Bilan de la bataille de Poitiers. Ainsi fut perdue cette bataille, comme vous venez de l'entendre, au champ de Maupertuis, à 2 lieues de Poitiers, le 21e jour du mois de septembre, l'an de grâce de notre Seigneur, 1356. Elle commença vers l'heure de prime et était complètement terminée à none. Toutefois, les Anglais, lancés dans la poursuite, n'en étaient pas encore tous revenus pour se reformer. Aussi, le prince de Galles avait-il fait mettre sa bannière sur un buisson pour regrouper et rallier ses gens, ainsi qu'il advint en effet. Mais le soir était déjà tombé avant qu'ils fussent tous revenus de leur poursuite. Là périt, comme on disait alors, toute la fleur de la chevalerie de France, et le noble royaume de France s'en trouva cruellement affaibli, et tomba en grande misère et tribulation, comme vous l'entendrez raconter ci-après. Avec le roi et son jeune fils Monseigneur Philippe, fut repris 17 comtes, outre les barons, chevaliers et écuyers, et il périt de 500 à 600 chevaliers et écuyers, et 6 000 hommes de Touraine.